Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Honorée, dit Madame Balzac. Laure Salambier, honorée, n'oublie pas de me donner l'argent que tu me dois. Mais Honoré, Balzac fils, est exténué. Il travaille, et entre la santé et le travail, faut-il choisir? Faut-il vivre longtemps et vieux, et voir ainsi sa force vitale s'amoindrir? Ou travailler, vivre et mourir jeune, sans jamais devenir vieux? Balzac, lui, semble avoir choisi son camp. Mais est-ce vraiment un choix? Honoré, à 25 ans, on pense à son bonheur, et à ton âge, on pense à ses devoirs, et en particulier celui de me verser tous les mois ma petite pension de 4000 francs. Oui, je sais, mais je peux pas en ce moment. Tu n'as pas l'argent, comme c'est original. Mais il ne tient qu'à toi de renflouer tes caisses. Avec ton métier, c'est facile. Facile? Tu trouves que ce que je fais, c'est facile? Ben oui, tu travailles, tu écris, et on te paye. J'aimerais bien travailler, mais je suis exténué, c'est à cause de ce régime que me fait le docteur Nacquart, là. Des légumes à l'eau, des tisanes. Pas de viande, pas de pain, pas de café, rien. Non, je suis exténué. On te soigne parce que tu te dis malade, mais ta maladie n'a rien de mystérieux, tu vieillis. Par ici, la terre est très dure, disait l'Arthur. Même les corbeaux volent à l'envers pour ne point voir la misère. Et ta sœur, elle vole à l'endroit, répondit le prince-père. Un oiseau, ça doit planer droit, c'est marqué dans le dictionnaire. Un coup, je lance ma casquette, un coup, je vais la rechercher. Lâcha le dédé, y aller, ce qui rit quand il pète, et ce que l'oignon fait pleurer. Trois vieux papis, trois papis papotaient, papotaient, pour se faire du vent. Balzac, Jeanne Moreau, Gérard Depardieu et Richard Gottener. Quel début de journée. Bonjour Marion Masse. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes maîtresse de conférences en littérature française à l'Université Lyon 1, membre de l'IRIM. On vous doit un livre qui s'appelle Le Père Balzac, représentation de la paternité dans la comédie humaine. On le trouve aux éditions Classique Garnier. Et c'est avec vous que nous allons terminer cette série sur la vieillesse en parlant de Balzac. Vous avez entendu un extrait de la mini-série Balzac de José Dayan avec Depardieu dans le rôle de Balzac fils, enfin Honoré de Balzac. Et Jeanne Moreau dans le rôle de la mère, Laure Salambier. Elle lui dit, écoute, tu as 25 ans, t'es pas du tout malade, t'es en train de vieillir. Le paradoxe, c'est que Balzac, qui, on va le voir, a peint des personnages de vieux extraordinaires dans la comédie humaine, n'a lui-même pas vraiment connu la vieillesse, il est mort jeune. Il est mort jeune, il est mort à 51 ans, alors au 19e, c'est pas forcément si jeune que ça, mais ce qui est paradoxal en effet, c'est que lui, il peint quand même des personnages de vieux, de vieillards. Beaucoup de ces personnages ont autour de 60, 70 ans, en tout cas les vieux auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Souvent, ces personnages sont animés, c'est ce qu'on va voir aussi pour certains, d'une grande force de vie, alors c'est peut-être ça, et d'une grande vitalité, c'est peut-être ça le rapport à faire avec Balzac. La vitalité, c'est quelque chose qui caractérise Balzac, qui était un fou de travail, qui travaillait beaucoup plus qu'il ne dormait. Dans l'extrait qu'on entendait, ça c'est vrai, on lui impose un régime drastique parce qu'il boit tellement de café qu'il en mourra d'ailleurs, son estomac va se trouer. Et lui, il y a cette espèce d'appétit de vivre très fort qu'on retrouve chez certains de ses personnages au fond. Oui, absolument. Les personnages sont veulent vivre et vieillir à tout prix. Alors c'est la question, une des questions qui est un des paradoxes, et vous le citiez, vous y faisiez référence en début d'émission, à la peau de chagrin, à cette espèce de dialectique entre économiser ses forces pour vivre longtemps et se dépenser et dépenser son énergie, et vivre intensément. Alors on peut dire que c'est la dialectique qui anime Balzac, un certain nombre de ses personnages, et que cette question aussi lui vient peut-être de son père. Et ça, c'est une chose qui est intéressante, puisque son père était très intéressé par la longévité. Il suivait lui-même la méthode de l'Italien Luigi Cornaro pour vivre le plus longtemps possible. Alors c'est une méthode, c'est un traité qui avait été écrit à la Renaissance et qui s'appelait Traité de la vie sobre, et qui, c'est intéressant, qui a été réédité au 18e sous le titre Conseil pour vivre longtemps. Et ça a marché en ce qui le concerne, non? Le père de Balzac a vécu très vieux, il est mort à 82 ans, je crois. Et donc il était obsédé par l'idée de devenir centenaire. Donc on peut dire qu'il y a peut-être des sources biographiques aussi dans cette question du rapport à la longévité et à la dialectique entre longévité et vitalité. Avant d'entrer dans les œuvres proprement dites, et on a un parcours assez touffu qui nous attend, Marion Masse, on va parler de l'élixir de longue vie, de Ferragus, du père Goriot, de Splendeur et misère des courtisanes. Enfin, on verra si on arrive à passer par toutes ces étapes dans ce parcours. En tout cas, juste un mot quand même, je le rappelle, Balzac est né le 20 mai 1799, il meurt donc en 1850. La peau de chagrin, vous en parliez, 1831, et Eugénie Grandet, 1833, sont les deux livres qui vont lancer sa carrière d'écrivain. Et de 1848, à partir de 1848, je crois que c'est ça, il édifie ce qu'on appelle la comédie humaine. C'est plus de 2000 personnages qui se divisent en études de mœurs. On a les scènes de la vie privée, les scènes de la vie de province, les scènes de la vie parisienne, les scènes de la vie politique, les scènes de la vie militaire et les scènes de la vie de campagne. C'est pour lui une sorte de classification qui lui permet de créer tous ces personnages qui sont un monde, en réalité, sans fin. On a l'impression que ça aurait pu continuer à l'infini s'il avait continué à vivre. Alors, oui et non, parce que il pense aux grandes œuvres, il commence à y penser relativement tôt, à cette architecture. Déjà, dès 1834, dans une lettre à Madame Anska, il envisage de faire ce grand œuvre, et puis il écrit l'avant-propos à la Comédie humaine en 1845. Oui, c'est une œuvre. Il arrête quand même sa classification. Et c'est vrai que ça aurait pu continuer parce que il y a des textes qui sont inachevés, puis des textes qui migrent sans cesse d'une section à l'autre. Mais oui, son désir, c'était d'embrasser la société. Et justement, dans le projet, dans la lettre dont je parlais de 1834, peut-être une chose qui est intéressante, c'est que il dit que, alors bon, c'est encore à l'état de projet, hein, c'est pas encore fait, mais il dit que qu'il a donc le projet d'embrasser toute la société et tous les âges de la vie. Je cite: les études de mœurs représentent tous les effets sociaux, sans que ni une situation de vie, ni une physionomie, ni un caractère d'homme ou de femme, ni quoi que ce soit de l'enfance, de la vieillesse, de l'âge mûr ait été oublié. Alors, il parle pas de l'enfance, hein, vraiment, dans la comédie humaine, donc c'est pour ça que ça reste à l'état de projet, ou très peu. Et la vieillesse ou l'âge mûr ne sont pas, des catégories en soi, contrairement, par exemple, à l'entrée dans la vie, qui est concernée par la section des scènes de la vie privée. C'est un sujet périphérique auquel il donne une existence parce qu'il a peint un certain nombre de personnages qui sont vieux. Alors on va faire leur connaissance, et je dois dire qu'en préparant cette émission, Marion Masse, j'ai changé d'avis sur les personnages de vieux que je connaissais dans la comédie humaine. Je me suis rendu compte qu'en fait la plupart du temps ils étaient presque dégoûtant. Il y a quelque chose d'assez répugnant dans la manière dont ils sont dépeints et la pitié qu'ils m'inspiraient avant, après avoir lu votre livre, et je vous verrai après cette émission, finalement s'est changé en une espèce de dégoût assez violent. J'en veux pour preuve et bien ce premier extrait de l'élixir de longue vie. Un personnage dit à son fils au début du texte, c'est une petite nouvelle, qu'il s'apprête à mourir et il est dans une fiole qu'il lui donne, il y a un élixir qu'il suffirait de lui appliquer sur le corps pour que celui-ci vive à nouveau. Le père meurt et le fils essaye de mettre l'élixir sur l'œil, l'œil se met à bouger, il est terrifié, il lui coupe l'œil et il veut plus en entendre parler. Des décennies plus tard, quand c'est le fils qui devient veillard à son tour, il s'apprête à mourir et il demande à son fils, cette fois-ci, de lui appliquer cet élixir. Voici le texte. Il était environ minuit quand Don Philippe Belvidéro plaça le cadavre de son père sur la table. Après en avoir baisé le front menaçant et les cheveux gris, il éteignit la lampe. La lueur douce, produite par la clarté de la lune, dont les reflets bizarres illuminaient la campagne, permit au pieux Philippe d'entrevoir indistinctement le corps de son père, comme quelque chose de blanc au milieu de l'ombre. Le jeune homme imbiba un linge dans la liqueur et, plongé dans la prière, il oignit fidèlement cette tête sacrée au milieu d'un profond silence. Il entendait bien des frémissements indescriptibles, mais il les attribuait au jeu de la brise dans les cimes des arbres. Quand il eut mouillé le bras droit, il se sentit fortement étreindre le cou par un bras jeune et vigoureux, le bras de son père. Il jeta un cri déchirant et laissa tomber la fiole qui se cassa. La liqueur s'évapora. Les gens du château accoururent, armés de flambeaux. Ce cri les avait épouvantés et surpris, comme si la trompette du jugement dernier eût ébranlé l'univers. En un moment, la chambre fut pleine de monde. La foule tremblante aperçut Don Philippe évanoui, mais retenu par le bras puissant de son père qui lui serrait le cou. Puis, chose surnaturelle, l'assistance vit la tête de Don Juan, aussi jeune, aussi belle que celle de l'Antinous, une tête aux cheveux noirs, aux yeux brillants, à la bouche vermeille, et qui s'agitait effroyablement sans pouvoir remuer le squelette auquel elle appartenait. Un vieux serviteur cria « Miracle !» et tous ces Espagnols répétèrent « Miracle !» Marion Masse, Balzac n'a pas seulement écrit la comédie humaine, les romans que l'on peut connaître, les grandes fictions que l'on connaît qui semblent plus réalistes. Ici, on est face à ce qu'on pourrait appeler une nouvelle fantastique. Non, en tout cas, il se passe quelque chose de non réaliste. Absolument, c'est une nouvelle fantastique et il a écrit plusieurs nouvelles fantastiques dans la section des études philosophiques. Et autour de 1830, il en a écrit plusieurs. Alors, le récit fantastique était alors à la mode et là, il verse même dans le frénétique puisque à la fin on a cette espèce de tête noire de tête d'Antinous qui s'agite au bout du squelette comme une espèce de marionnette monstrueuse et frénétique c'est un genre le roman frénétique oui. Issu du roman noir avec tout ce qu'il y a d'horrible d'affreux qui doit terrifier le lecteur. Ça marche hein, quand on le lit on s'attend pas du tout à cette fin, c'est quelque chose d'assez glaçant. Absolument. Mais alors là, le fantastique, il sert à penser. Il a vraiment une visée philosophique, je pense, hein, parce que, d'abord, le récit passe d'une atmosphère inquiétante à une atmosphère justement complètement frénétique et qui s'allie à quelque chose de très ironique ici, puisque Puisque les Espagnols crient miracle devant ce qu'ils croient être une résurrection, alors que c'est l'effet d'une science occulte. Et un peu plus loin dans la nouvelle, en fait, un abbé, l'abbé Sanlúcar, essaiera de tirer profit de cette résurrection pour essayer de faire canoniser Don Juan et en tirer des bénéfices. Donc voilà, il y a quand même une dimension très ironique par rapport à ça. Don Juan, c'est le personnage du père mourant dans l'extrait qu'on a entendu. Voilà, pardon. Don Juan, c'est l'extrait du père mourant. Et justement, il y a une référence aussi au Don Juan de Molière, puisque ce personnage balzacien là, donc Balzac a voulu faire son Don Juan aussi d'une certaine manière, est désigné comme athée expressément, et il a eu une carrière galante assez importante dans les passages qui précèdent dans la nouvelle. Mais ce qui est important, c'est qu'il est athée justement, et donc autre indice d'ironie, c'est que le pieux Philippe oint la tête sacrée de son père, donc cette tête sacrée restitue le point de vue de Philippe, alors que le lecteur sait pertinemment que Don Juan n'est pas du tout pieux, et il est complètement athée. Voilà, il y a rien de sacré dans sa tête. Et ce qui est cette alliance de l'ironie et du frénétique dans le passage, on pourrait faire d'inscrire vraiment la nouvelle dans un univers de la finitude. Et ça, c'est vraiment important. Et de souligner l'intensité de la lutte pour la vie, justement, mm-hmm. avec le personnage là qui s'agite, qui tient à tout prix à revivre. Et par là, enfin, avec ce fantastique-là, et dans cette nouvelle-là, Balzac remotive en fait les mythes du désir de longévité et de la quête de l'éternelle jeunesse, hein, qui sont des mythes littéraires. Qui sont incarnés par Faust ou le Juif errant, par exemple. Il interroge vraiment la relation à la mort, à la vieillesse et à la mort au présent. Et ce qu'il y a, c'est que la vieillesse, ici, est vraiment décrite comme une antichambre de la mort. Et quelques pages auparavant, justement, il y a une description de Don Juan vieux. Et la vieillesse va avec la maladie. Et la vieillesse est décrite comme un état de dégradation physique et de décrépitude, le terme est employé, comme un état d'impuissance, ça c'est très important, d'impuissance physique, sexuelle, et comme un état de maladie, puisque Don Juan cumule la goutte, une pituite et une sciatique. Et donc la question de la longévité dans ce contexte-là et la vieillesse est vraiment présentée comme une limite, hein, et comme une malédiction finalement. Et cette représentation-là prend effet dans un ancrage intellectuel et culturel bien précis, puisque je parlais tout à l'heure du père de Balzac qui était animé par un désir de longévité et qui lisait des traités d'hygiène sur la longévité, sont des traités qui se développent au 19e, et il y a tout un discours médical aussi qui se développe sur l'hygiène, la santé. Donc c'est qui valorise finalement la vie biologique, c'est un contexte aussi intellectuel que Pierre Barbéris a appelé contexte de vouloir vivre, c'est-à-dire un contexte de libération des désirs qui a été permis par l'ouverture des barrières sociales après la révolution. Mmh. Et donc dans ce contexte intellectuel là, les personnages veulent absolument revivre et revivre longtemps. Et je vous en prie, allez-y. Ce qui est intéressant, justement, c'est que là, le motif dans cette nouvelle-là, le motif de la longévité est articulé à celui de la concurrence entre père et fils. C'est ça. Parce que Don Juan a besoin de son fils pour revivre, parce que il faut d'abord mourir, passer par l'étape de la mort physique, hein, pour pouvoir revivre et revivre jeune. Donc on a besoin d'une tierce personne, et là il demande pas à son épouse ou à son serviteur, il demande à son fils. de lui étaler l'élixir sur le corps, sachant que lui-même ne l'a pas fait avec son propre père. Donc il prend le risque d'être trahi par son propre fils. Exactement, parce que voilà, lui-même avait trahi son propre père pour garder la fiole et cet élixir-là, et puis parce qu'il disait que, bien que son père, et c'est ça qui est intéressant aussi, son père était un bon père, enfin un père un peu idolâtre, qui lui laissait absolument toute latitude, qui même favorisait ses plaisirs, enfin il n'y avait pas d'histoire d'héritage, il n'était pas désargenté, bien au contraire, hein, mais il le qualifie de père éternel. Et ça, c'est insupportable. Et donc lui-même, vous le disiez, prend le risque d'être trahi par son fils. Alors il a quand même pris quelques précautions pour ça, puisque dans la nouvelle, il est indiqué que justement, pour ne pas être trahi par son fils, il développe un système paternel très très bien mis au point, complètement tyrannique. Et il développe, il prend bien soin de développer la piété filiale de son c'est fils. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il lui dit, il ruse en lui disant que cette potion est une huile sainte qui doit lui permettre de racheter ses fautes. Et donc, la concurrence entre père et fils, puisque donc il a besoin de son fils pour revivre. Mais évidemment, tout déraille, puisque père et fils ne peuvent pas vivre en même temps. Ça met à mal la loi des générations. Et d'ailleurs, on le voit, puisque Don Juan, à moitié ressuscité, essaye de commettre un infanticide. Il essaye de tordre le cou à Philippe. Voilà, c'est ça. Donc une fois, c'est le texte qu'on a entendu. Le fils arrive à mettre l'élixir sur la tête et le bras de son père. Celui-ci, il sent la vigueur lui revenir parce que c'est pas simplement un élixir qui fait ressusciter, c'est qu'il rajeunit. Donc on a cette tête jeune, pleine de vitalité, ce bras vigoureux qui, premier geste qu'il fait alors qu'il revient à la vie, bah essaie de tuer son propre fils qui vient de le sauver. Et donc on a cette scène de la tête du fils qui est emprisonnée par le bras du père dont le corps est un squelette. À l'exception de la tête et du bras. Et c'est une scène absolument hideuse. Monstrueuse, oui. Ouais, absolument. Et puis le fils lui-même finit par commettre un parricide involontaire puisque il lâche la fiole et que finalement n'étant pas complètement ressuscité, Don Juan finit par mourir. Attendez, il finit par mourir. Sa tête se détache du corps puisque la tête est jeune, le corps lui est en putréfaction. Donc la pourriture fait que la tête se détache du corps et ce faisant vient enfoncer sa mâchoire dans la cervelle d'un prêtre, je crois, qui est juste en bas et qui va le tuer. Ainsi, c'est là on est en plein délire fantastique et c'est absolument dégoûtant. Non, c'est vrai, il faut le dire, parce que c'est très surprenant. Ah oui, et donc c'est pas une vision très très très positive de la paternité. C'est le moins qu'on puisse dire, et ça on va le retrouver dans toutes les autres œuvres de Balzac. Mais ce qui me paraît très important aussi dans cette structure narrative de concurrence entre père et fils, et dans cette inscrite dans le fantastique, donc justement où le père, enfin où il s'agit de revivre littéralement, c'est que finalement le fait que le fils redonne littéralement vie au père peut se lire comme une espèce de concrétisation finalement du système symbolique de survivance symbolique héréditaire, puisque la nouvelle se passe à la Renaissance, donc sous l'Ancien Régime, et donc le père, enfin en tout cas dans l'aristocratie, le père se survivait par ses titres et par le nom. Donc il y avait un système de continuation de soi symbolique, cette continuation, il essaye il s'agit de prendre la place du fils ou de se continuer, mais dans la vie, dans le champ concret de la vie, en même temps que le fils. Et donc, par là, il me semble que la nouvelle impose une réflexion sur les moyens dont le père devenu vieux dispose pour se continuer et suggère que les moyens symboliques habituels des sociétés d'Ancien Régime ne fonctionnent plus, puisque la nouvelle est écrite en 1830, donc juste après la fin de la Restauration, en fait. fait. Donc à un moment où ce système-là ne peut plus fonctionner. Et donc ce qui se joue dans cette configuration narrative, c'est le télescopage finalement de deux systèmes de valeurs pour penser la loi des générations et le rapport au temps. D'une part, celui de l'hérédité nobiliaire, donc qui est pensé dans un système qui implique l'éternité et donc à travers la survivance du nom, et qui est tourné vers les morts, vers les ascendants, et puis un système qui est tourné vers la vie, la valorisation de la vie biologique, ou comme dirait Foucault, d'un système de maximalisation de la vie, et qui implique alors ici un espèce de désir d'indépendance absolue, où l'homme ne procéderait que de lui-même, ou presque, puisque il se défait de la femme aussi, et donc il procède de son fils. Et puis après, on en reparlera sans doute dans l'œuvre, c'est la question du rapport à la descendance aussi qui est en jeu. Voilà, chez Balzac, vieillesse et paternité semblent aller de pair. J'en veux pour preuve, eh bien, le texte qui est plus connu que l'élixir de longue vie, que donc je vous invite à lire, chers auditeurs. Il fait une vingtaine de pages, vous le lirez en une demi-heure et vous en souviendrez toute votre vie. Le Père Goriot, 1834. Le Père Goriot qui est comparé à un amant qui veut retrouver sa maîtresse lorsqu'il retrouve ses filles. Vous m'avez demandé si je connaissais les maisons où va Madame de Nucingen. Oui. Eh bien, elle va lundi prochain au bal du maréchal Carigliano. Si vous pouvez y être, vous me direz si mes deux filles se sont bien amusées, comment elles seront mises, enfin, tout. Comment avez-vous su cela, mon bon Père Goriot? Sa femme de chambre me l'a dit. Je sais tout ce qu'elles font, par Thérèse et par Constance. Le vieillard ressemblait à un amant encore assez jeune pour être heureux d'un stratagème qui le met en communication avec sa maîtresse sans qu'elle puisse s'en douter. Vous les verrez, vous? Je ne sais pas. Je vais aller chez Madame de Beauséant, lui demander si elle peut me présenter à la maréchale. Eugène pensait avec une sorte de joie intérieure à se montrer chez la vicomtesse, mis comme il le serait désormais. Ce que les moralistes nomment les abîmes du cœur humain sont uniquement les décevantes pensées, les involontaires mouvements de l'intérêt personnel. Ces péripéties, le sujet de tant de réclamations, ces retours soudains sont des calculs faits au profit de nos jouissances. En se voyant bien mis, bien ganté, bien botté, Rastignac oublia sa vertueuse résolution. La jeunesse n'ose pas se regarder au miroir de la conscience quand elle verse du côté de l'injustice, tandis que l'âge mûr s'y est vu. Là gît toute la différence entre ces deux phases de la vie. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Balzac ce matin, des personnages de vieux chez Balzac dans le cadre de cette série d'émissions autour de la vieillesse en compagnie de Marion Masse. On pourrait dire, Marion Masse, que Balzac, à travers tous ces personnages, dont le Père Goriot, représente une sorte d'effacement de la puissance paternelle, mais qui est souvent soumise à une passion troublante et sans limite pour les enfants. Et c'est le cas du Père Goriot, au fond. C'est que son autorité n'est plus, il n'est respecté par personne, et certainement pas par ses filles. Mais en retour, ou est-ce la cause en réalité de ce que je suis en train d'écrire, il aime passionnément ses filles, au point que ça en est troublant quand on entend le narrateur. Ici, c'était Michel Vuillermoz, hein, c'est une fiction de France Culture, vous avez entendu, réalisée et adaptée par Cédric Ossir. On a même pas envie d'entendre cette phrase, que le père entretient ses filles comme un amant entretient ses maîtresses. Alors, oui, donc c'est la question de la passion du Père Goriot pour ses filles a fait couler beaucoup d'encre. Hein. On peut l'interpréter de plusieurs manières. Il me semble que le une des questions qui se pose dans cet amour, hein, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, pardon. Oui, sur la paternité, voilà. Justement, la paternité dans la comédie humaine. Voilà, c'est la question du rapport au code civil. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que j'interprète. Alors, évidemment, la question de de cet amour de cet amour fou et la question de la tendresse paternelle. C'est plus que de la tendresse là. C'est une passion pour ses filles. Alors il les fait suivre, il ne veut pas les lâcher, il a des boucles de cheveux dans sa main avec lesquelles il va mourir comme on tient la boucle de cheveux de l'être aimé. Oui, mais à la fin, justement, à la fin du roman, cette passion-là, elle est décrite selon plusieurs points de vue qui s'articulent entre eux et qui défont en fait finalement les codes habituels pour lire la passion. Et elle se lit aussi en dehors justement du codage moraliste. Et vous disiez que les personnages de Balzac tout à l'heure vous inspiraient, enfin à la relecture, que ces vieux vous inspiraient du dégoût. Pour le Bergoglio, c'est vrai, je dois vous dire. Ouais. Alors, moi, je trouve que la fin reste éminemment pathétique et il me semble que le texte, justement, essaye d'emporter le lecteur dans ce rapport pathétique. Qu'est-ce que vous entendez par pathétique? D'entraîner la compassion lecteur pour le père Goriot. Pour dire justement que son amour a absolument une légitimité et une valeur et que cette espèce d'exacerbation de l'amour finalement c'est peut-être aussi alors bien sûr ça en fait un personnage monomaniaque passionné hors du commun ce qui a une grande rentabilité romanesque mais c'est aussi une manière de se défaire d'un certain nombre d'images conventionnelles sur la paternité et sur un vieillard père qui permet de penser à la fois la paternité et la vieillesse et la situation de Goriot dans une société finalement qui exclut les vieux. Je vous propose qu'on écoute cette fin dont on est en train de parler, Marion Masse, comme ça les auditeurs pourront se faire leur propre avis puis on la commentera ensuite. Tiens le droit. Eugène se mit à la tête du lit et soutint le moribond, auquel Bianchon enleva sa chemise, et le bonhomme fit un geste comme pour garder quelque chose sur sa poitrine et poussa des cris plaintifs et inarticulés à la manière des animaux qui ont une grande douleur à exprimer. Il veut une petite chaîne de cheveux et un petit médaillon que nous lui avons ôté tout à l'heure pour lui poser ses moxas. Elle est sur la cheminée. Eugène alla prendre une chaîne tressée avec des cheveux blonds cendrés. Il lut d'un côté du médaillon Anastasie et de l'autre Delphine. Les boucles contenues étaient d'une telle finesse qu'elles devaient avoir été prises pendant la première enfance des deux filles. Lorsque le médaillon toucha la poitrine du vieillard, son visage convulsé prit une expression de joie maladive. Merci. Fifine. Il vit encore. À quoi ça lui sert-il ? À souffrir. Trompé sans doute par les larmes, Goriot usa ses dernières forces pour étendre les mains, rencontra de chaque côté de son lit les têtes des étudiants, les saisit violemment par les cheveux, et l'on entendit faiblement « Mes anges !» deux mots. Deux murmures accentués par l'âme qui s'envola sur cette parole. Pauvre cher homme. Le dernier soupir du père Goriot devait être un soupir de joie. Ce soupir fut l'expression de toute sa vie. Il se trompait encore. Alors oui, pathos, pathétique, c'est évident, Marion Masse, et à la cruauté, la froideur des personnages qui l'entourent, et notamment de la personne qui dit « mais... » À quoi ça lui sert de vivre encore? On est forcément pris de tendresse pour ce vieil homme qui est en train de mourir, entouré de personnes qui, sans doute, ne tiennent pas beaucoup à sa propre vie. Mais le texte, si on le lit précisément, est ambigu. Il est dit à un moment, les deux étudiants, frappés par ce terrible éclat d'une force de sentiment qui survivait à la pensée, laissèrent tomber chacun des larmes chaudes sur le moribond qui jeta un cri de plaisir aigu. Absolument. Alors, il jouit au moment de mourir, c'est ça qui se passe? Oui, donc c'est ça qui a fait scandale à la parution du roman. Donc pour revenir justement à l'amour passionné dont vous parliez tout à l'heure, et quand même il y a évidemment la lecture de d'un amour incestueux ou passionné et là, mais il me semble que cet excès là et là encore se détache d'un certain nombre d'images conventionnelles où par exemple la chrétienté condamnait le père idolâtre et on avait l'image du père idolâtre, et là en représentant l'amour paternel comme un amour passionné de type amoureux, ce qui est en jeu, c'est toute une réflexion, je crois, justement, sur la question quand même de la tendresse paternelle et de cette valorisation de la tendresse dans un contexte où les rapports entre parents et enfants changent, et dans un contexte justement de valorisation de la descendance, avec l'ascension de la bourgeoisie. Foucault montre que dans le dispositif en parlant du dispositif de sexualité, ça paraît une digression, mais je vais revenir au texte, montre que en fait la bourgeoisie se distinguer comme classe reprend les préceptes, transpose les préceptes de la de l'aristocratie qui était la valorisation de l'ascendance, de la généalogie, et la bourgeoisie les reprend du côté de la valorisation de la descendance et du côté de la valorisation de la descendance biologique, ce qui va avec le sang de la bourgeoisie fut son sexe. Voilà, c'est ça, la volonté, exactement, de savoir. Et donc c'est c'est une manière de montrer que la bourgeoisie se distingue par une espèce de et construit son hégémonie avec justement une valorisation de la vie et de la descendance et de la puissance biologique, mais ça va avec, il le montre dans La volonté de savoir, avec une valorisation des affects. Et je crois que c'est ça aussi qui se joue dans ce codage-là. Alors il y a autre chose aussi, bien sûr, puisque ce scandale de faire mourir le père dans un cri de jouissance et poussant des cris de plaisir, c'est une réécriture extrêmement subversive de toutes les images conventionnelles de la mort du patriarche. Images qui ont cours dans le drame bourgeois, le mélodrame, la peinture, si on pense à Greuze par exemple, où la mort du père est un moment absolument solennel et où le père est représenté en patriarche laïcisé ou pas d'ailleurs. Et c'est un moment, la scène de la mort du père, c'est un moment très chargé de signification où se jouent les passations de pouvoir, la conciliation entre valeurs terrestres et spirituel, les réconciliations. On peut le voir par exemple chez Hugo avec la mort de Jean Valjean à la fin des Misérables. Justement, il n'y a rien de tout ça chez Balzac, et le personnage est extrêmement dérangeant pour ça. Et ce qui est dérangeant encore plus, c'est que cette mort, ce personnage est très ambivalent, mais justement, il crée quand même un effet de compassion du lecteur pour ce personnage là, et il l'oblige à finalement souscrire à une représentation qui met à mal toutes les représentations établies de la mort du père, et finalement on peut lire cette mort cette passion, donc comme une passion excessive du point de vue du moraliste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il il multiplie les points de vue justement sur sur cette passion à la fin, puisque il dit image de son cœur qui reposait toujours sur son cœur, donc image de son le médaillon d'Anastasie et Delphine, image de son cœur, donc là métaphore du sentiment qui reposait toujours sur son cœur, l'organe, et il mêle finalement dans cette description le point de vue, plusieurs discours, le discours du moraliste, le discours du médecin et le discours du physiologiste aussi. Le discours du médecin est convoqué aussi auparavant avec Bianchon, qui fait une conférence sur cette mort qu'il associe à la démence. Et finalement, cette passion, elle excède tous ces discours-là. Ce qui reste, c'est cette affection qui n'a pas de place, et ce père qui est abandonné et qui n'a pas de place non plus dans la société. Et auparavant, justement, le père Goriot fait appel au droit, précisément, quelques pages auparavant, toujours dans son agonie. Il dit « La justice est pour moi, tout est pour moi, la nature, le code civil, je proteste, la patrie périra si les pères sont foulés aux pieds, cela est clair, la société, le monde roule sur la paternité, tout croule si les enfants n'aiment pas leur père. » Et ça, c'est très intéressant, parce que il associe là... il rappelle que non seulement son statut de père, mais finalement son amour ont une légitimité juridique aussi. C'est pas la première fois que Balzac peint ce genre de personnage. Un autre personnage qui est un père amant, obsédé par sa fille, qui vit par procuration à travers elle, c'est Ferragus. Un Melmoth parisien était venu se mêler depuis quelques jours parmi la population sage et recueillie qui, lorsque le ciel est beau, meuble infailliblement l'espace enfermé entre la grille sud du Luxembourg et la grille nord de l'Observatoire. Espace sans genre, espace neutre dans Paris. Cette esplanade, d'où l'on domine Paris, a été conquise par les joueurs de boules. Vieilles figures grises, pleines de bonhomie, braves gens qui continuent nos ancêtres et dont les physionomies ne peuvent être comparées qu'à celles de leur public, à la galerie mouvante qui les suit. Ce nouveau venu marchait sympathiquement avec le cochonnet, petite boule qui sert de point de mire et constitue l'intérêt de la partie. Il s'appuyait contre un arbre quand le cochonnet s'arrêtait. Puis, avec la même attention qu'un chien en prête aux gestes de son maître, il regardait les boules volant dans l'air ou roulant à terre. Quand il survenait une averse, il restait près du cochonnet, esclave des boules, gardien de la partie commencée. La pluie ne le surprenait pas plus que le beau temps, et il était, comme les joueurs, une espèce intermédiaire entre le Parisien qui a le moins d'intelligence et l'animal qui en a le plus. D'ailleurs, pâle et flétri, sans soin de lui-même, distrait, il venait souvent nu-tête, montrant ses cheveux blanchis et son crâne carré, jaune, dégarni, semblable aux genoux qui percent le pantalon d'un pauvre. Il était béant, sans idée dans le regard, sans appui précis dans la démarche. Il ne souriait jamais, ne levait jamais les yeux au ciel et les tenait habituellement baissés vers la terre et semblait toujours y chercher quelque chose. À 4 heures, une vieille femme venait le prendre pour le ramener on ne sait où, en le traînant à la remorque par le bras, comme une jeune fille tire une chèvre capricieuse qui veut brouter encore quand il faut venir à l'étable. Ce vieillard était quelque chose d'horrible à voir. À quoi songeant, à quoi rêvant, cœur léger, cœur vil ou cœur lourd, ainsi font, ainsi s'en vont les vieux messieurs du Luxembourg. Les vieux monsieur du Luxembourg, les vieux messieurs du Luxembourg des frères Jacques, eh bien c'est le renvoi au monsieur du Luxembourg Ferragus qui erre. Alors là, vous êtes d'accord quand même, Marion Masse, pour dire que cette figure du vieillard est quelque chose qui peut-être attire de la sympathie, mais le narrateur le dit bien, ce vieillard était quelque chose d'horrible à voir. Il le décrit comme étant appartenant à une espèce intermédiaire entre le Parisien qui a le moins d'intelligence et l'animal qui en a le plus. Et il est décrit comme restant à côté du cochonnet, esclave des boules, gardien de la partie commencée. C'est terrible. C'est absolument terrible, mais c'est terrible parce que Alors, il y a une ellipse hein, entre ce portrait et la fin du roman. Il vient de perdre sa fille. Donc, il y a ce personnage complètement, qui vit d'une espèce de vie végétative, mécanique, qui est complètement hébété, qui est à la frontière de effectivement. Comme un zombie, en fait. Ouais. Il n'est plus qu'une ombre. Mais il y a une force tragique aussi. D'ailleurs, il est comparé à Melmoth, hein, qui vient du fait qu'il vient de perdre sa fille et que là, c'est une dévitalisation aussi qui est liée à une sorte d'anéantissement par la douleur dans l'économie narrative du texte. Et alors, il est décrit comme quelque chose d'horrible à voir, comme une ombre. Dans un espace, donc là il y a le texte n'a pas été lu en entier, enfin il y a une partie qui a été tronquée et qui est importante, il me semble, parce que donc il est au Luxembourg, et dans un espace qui est décrit comme un lieu neutre où Paris est et n'est plus, dans un espace qui est décrit comme un désert et mm-hmm. où se côtoient hôpitaux et hospices, où se côtoient enfants trouvés, prostituées, vieillards, et donc comme un espace qui est décrit comme le centre vide de la ville et comme un lieu de relégation et d'invisibilité. Donc il y a deux choses dans ce portrait. Alors ce portrait relève de ce qu'on appelle les physiologies, l'écriture physiologique, qui était un genre très très en vogue dans les années 1830-1845, hein, et qui était des textes proto-sociologiques en fait qui étaient destinés à rendre le social lisible, puisque on dit qu'après la Révolution, comme il n'y a plus de distinction de classe, les apparences sont trompeuses, on ne sait plus qui est qui a quel rôle, qui a quelle place, et donc les physiologies créent des types et donne corps et existence aux nouveaux types sociaux nés de la société post-révolutionnaire, et il joue du discours scientifique. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a ces références un peu zoologiques. Aussi le genre, mais il dresse quand même à travers Ferragus là le type du vieillard hébété. Alors ça peut faire écho aussi à une représentation topique de la vieillesse qui se diffuse par le discours médical aussi, puisque Pinel et Charcot notamment étudient la vieillesse à partir de cas de vieillards grabataires, souvent indigents, et dessinent une image de la vieillesse indigente et aliénée. Sauf que l'aliénation ici, elle est décrite comme une absence d'existence et un anéantissement et corrélée à la perte, la blessure de l'amour mmh. paternel, à la perte de l'enfant. Et la vieillesse est décrite comme un facteur de relégation ici, de relégation sociale. C'est le moins sociale. Qu'on puisse dire, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a chez Balzac des vieux joyeux, des vieux heureux, des vieux... Alors, il n'y en a pas beaucoup. il y en a quelques-uns dans Ursule Mirouet, par exemple. Il y a un quatuor de vieillards qui élève une jeune fille, Ursule, et tous les quatre. Alors, il y a un curé, un capitaine, un juge et un médecin, le docteur Minoret. Et donc, tous les quatre, ils constituent un quatuor, puis après une trinité, puisqu'il y en a un qui meurt, une trinité paternelle autour de la jeune Ursule. Et là, on a des vieux qui sont bons, qui sont heureux, mais qui sont rendus heureux justement par les enfants, la présence n'est-ce pas ? De la jeunesse. C'est ça. Ouais, ouais. C'est qu'au fond, la vieillesse chez Balzac se pense toujours en lien avec la paternité ou la maternité. Oui. Avec la filiation, ouais. Ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais. Et d'ailleurs, on dit que Goriot, revivait dans ses filles, mais il y a un peu la même chose à la fin de La Femme de 30 ans. La dernière partie de La Femme de 30 ans, ça, qui s'appelle Vieillesse d'une mère coupable. Et dans ce texte-là, il est dit que la joie de cette mère qui est devenue âgée, c'est donc le principe de sa vie présente, de sa vie du lendemain, de sa vie passée, était dans le cœur de cette jeune fille où elle avait jeté tous ses trésors. Donc il y a la vieillesse. Et d'ailleurs, dans l'élixir de longue vie, au départ, le père de Don Juan, le vieux Belvidéro, donc le premier, qui n'était pas celui qui a trouvé l'élixir et qui n'était pas un si mauvais père que ça, dans sa vieillesse, se réjouit d'entendre son fils faire la fête. Voilà, donc il y a une espèce de don se réchauffe, de soi, ouais, là, en même temps. Oui, et il se réchauffe, il se revitalise par la jeunesse. Quoi. C'est ça, mais comme si l'amour des parents pour leurs enfants, finalement, ne pouvait s'exprimer que par une sorte d'excès, de sacrifice de soi. Ils vivent à travers la jeunesse de leurs enfants. C'est ça qui est un peu effrayant, je trouve. Alors, c'est pas chez tous les personnages balzaciens, parce que justement, il y a toute une série de personnages, et le quatuor de bon vieillard dont je parlais, qui élève Ursule, c'est pas un dévouement sacrificiel. Non, mais il y a écrit quand même dans ce Ursule Mirouet, justement, « Lorsque les vieillards aiment les enfants, ils ne mettent pas de bornes à leur passion, ils les adorent. Pour ces petits êtres, ils font taire leur manie et pour eux se souviennent de tout leur passé, leur expérience, leur indulgence, leur patience, toutes les acquisitions de la vie, ce trésor si péniblement amassé, ils le livrent à cette jeune vie par laquelle ils se rajeunissent et suppléent alors à la maternité par l'intelligence. » Oui, alors oui, il y a une sorte de régénération par la jeunesse aussi, oui. Voilà, qui est quand même assez récurrente dans le cas de Balzac. Oui. Un lit était au milieu de cette chambre. Un lit d'acajou ayant aux pieds et à la tête des traverses et des courroies qui indiquaient un appareil de suspension destiné à mouvoir le malade. Monsieur de Balzac était dans ce lit, la tête appuyée sur un monceau d'oreillers auquel on avait ajouté des coussins de damas rouge empruntés au canapé de la chambre. Il avait la face violette, presque noire, inclinée à droite, la barbe non faite, les cheveux gris et coupés courts, l'œil ouvert et fixe. Je le voyais de profil, et il ressemblait ainsi à l'empereur. Une vieille femme, la garde et un domestique se tenaient debout des deux côtés du lit. Une bougie brûlait derrière le chevet sur une table, une autre sur une commode près de la porte. Un vase d'argent était posé sur la table de nuit. Cet homme et cette femme se taisaient avec une sorte de terreur et écoutaient le mourant râler avec bruit. La bougie au chevet éclairait vivement un portrait d'homme jeune, rose et souriant, suspendu près de la cheminée. France Culture. Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Le texte que je viens de lire, Marion Masse, qui dépeint la mort d'Honoré de Balzac, a été écrit par Victor Hugo. Et c'est à se demander, quand on entend ce texte, si la vigueur et l'énergie avec lesquelles Balzac s'est employé à vivre, eh bien finalement, aurait peut-être accéléré sa propre vieillesse. C'est étonnant. Oui. il était malade, il était infatigable, voyageur infatigable aussi jusqu'à la fin de sa vie. Oui, on peut dire ça. Vous ne faites aucun lien entre le rapport de Balzac avec sa propre existence, cet appétit au travail et cette vitalité et ce qu'il lit dans ses œuvres? Si, bien sûr, à travers la cette dialectique là et puis cette vitalité, je disais qu'un des traits caractéristiques d'un certain nombre de vieillards de la comédie humaine, c'est d'avoir un appétit de vivre qui est assez impressionnant. Donc peut-être là, oui, bien sûr, il y a forcément des sources. Merci beaucoup Marion Masse d'être venue nous parler de Balzac ce matin. Je renvoie les auditeurs à votre livre Le Père Balzac, représentation de la paternité dans la comédie humaine. Lisez L'élixir de longue vie qu'on trouve notamment en folio plus classique. Lisez Splendeur et misère des courtisanes, La cousine bête, Ferragus, Le Père Goriot, ce que vous voulez, il y en a vraiment un nombre presque incalculable. Lisez Balzac et donnez-nous votre avis sur les vieux chez Balzac. On se quitte avec une personne qui, elle, aime son petit vieux, c'est Camille. C'est lui sur le banc de square, c'est mon ami, mon amoureux. Et ça fait rire les pigeons parce que c'est un petit vieux. Nos rendez-vous, c'est pas comme dans les films. Je cours vers lui, il reste assis. Un jour, il m'a même dit: tu es la femme du reste de ma vie. Les gens croient qu'ils ne me touchent pas, mais ils me touchent, mon petit vieux. C'est beau, c'est rire autour des yeux. Des fois rien à perdre. Alors que moi, je n'ai rien vu. Les gens croient qu'ils ne me touchent pas. Mais ils me touchent, mon petit vieux. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Il est temps de retrouver la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Vous vous demandez aujourd'hui si le pouvoir peut être une vertu. Alors une vertu, il l'est sans doute, non pas au sens classique, mais au sens plus étroit de Machiavel. Celui qui conquérera le pouvoir et qui l'exercera le mieux, ce ne sera pas le meilleur tout court, mais le meilleur à cela. Celui qui possédera les vertus spécifiques du prince, comme la dissimulation. Nos systèmes politiques sont d'ailleurs largement conçus pour valoriser ces vertus spécifiques. Un braquage parfait, c'est comme cela, par exemple, que certains macronistes du premier cercle ont résumé la campagne de 2017. Une grosse dizaine d'ambitieux déterminés, partis à l'assaut de la République, et nos braqueurs n'étaient même pas des gens de gros calibre, pas de casier judiciaire, pas de mandat, pas de passé politique, des profils discrets, la brigade anti-gang des partis traditionnels n'a rien vu venir. S'il y a une victime, la première, c'est moi. Donc j'en ai payé suffisamment le prix, y compris en n'étant pas candidat à l'élection. Nos braqueurs seraient donc des sortes de monsieur tout le monde, ce qui correspond assez à leur camouflage gris de banquier d'affaires et de conseiller ministériel. Nos braqueurs seraient, en somme, parfaitement démocrates, des Robin des Bois venus voler le pouvoir aux riches pour le rendre aux pauvres. Mais cela s'accorde assez mal avec la mythologie à la Odiar, souvent revendiquée par le braqueur en chef. Une mythologie dans laquelle les braqueurs ont depuis longtemps quitté la forêt de Sherwood pour le confortable 16e arrondissement. L'affaire prend un tour nettement moins démocratique. Le fantôme de la reproduction sociale, l'enfant bâtard de la démocratie et de la bourgeoisie, réapparaît dans l'équation. Les vertus de nos braqueurs redescendent au niveau ontologique plus bas, de l'habitus. Le vieux Gabin a perdu de sa superbe dans l'histoire. Et donc le braqueur se serait fait braquer sa vertu? C'est, je crois, un sentiment assez général et plus profond que l'idée convenue que le pouvoir corrompt. Le pouvoir pourrait être la corruption elle-même. C'est une personne de pouvoir. C'est une expression qu'on entend et qui est plutôt péjorative. Elle désigne un intrigant, un hypocrite, voire un pervers. Cela ne dit pas que cette personne est ambitieuse, mais plutôt que la somme de ses défauts ne lui laissait pas d'autre choix. Donald Trump était par exemple si exagérément narcissique qu'il devait naturellement finir à Washington. Le pouvoir ne serait ainsi pas une vertu, mais une maladie de l'âme. Une maladie de l'âme, c'est un constat qui est très pessimiste que vous faites. Disons que c'est une modalité de l'exercice du pouvoir qu'il faut prendre en compte. Cela ne veut pas dire évidemment que c'est la seule. Le problème d'ailleurs n'est pas tant celui de l'absence de vertu supposée du prince que celle de l'absence d'ambition princière chez le vertueux. Souvenons-nous à cet égard de la façon dont on s'est empressé d'attribuer des vertus philosophiques au président Macron, cet ancien élève de Ricoeur. Certains avaient vraiment envie d'y croire, le film était irrésistible. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec qui venir en France? Une scène qu'on dirait tout droit sortie du Petit Prince de Machiavel. Mais si la vertu, comme le cordon bleu, est inaccessible au prince, c'est bien le manque d'ambition princière des vertueux qui demeure la principale énigme politique de notre temps. Une énigme qui confine presque au dialogue de sourds quand le prince regarde autour de lui, en dessous de lui, et s'attend à y trouver jalousie et amertume. Car le prince, justement, en ce qu'il n'a pas de vertu propre, est un démocrate. Il sait que sa place est en théorie celle de n'importe qui, celle du premier ambitieux venu. Son gouvernement, écrit Machiavel, se passe essentiellement à surveiller les ambitieux. Ce qu'il ignore, c'est que la vertu n'est pas morte sous son règne et que les principaux ambitieux de son temps ont l'ambition de ne pas l'être. Le pouvoir ne les fait pas rêver et le prince, s'il s'en apercevait, en serait mortellement vexé. Peut-être le sait-il d'ailleurs, ce démocrate solitaire auquel tous les vertueux tournent le dos avec une princière indifférence. Peut-être le sait-il et que son pouvoir se résume à cela, à être outrageusement snobé. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle, en compagnie de Clara de Giovanni, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé pour vous cette série sur la vieillesse. À la lecture des textes, c'était Bernard Gabet. À la prise de son, Valentin Bobinet. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui, comme tous les vendredis, donnera la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de l'auteur de bande dessinée, du biographe, du philosophe, du scénariste Benoît Peters. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est très facile. Vous vous rendez sur le site de France Culture. Vous pouvez soit écouter l'émission en ligne, soit la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain donc, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.